Bonjour chères auditrices et auditeurs, l'association Ralentir pour vivre nous embarque dans une aventure hors du commun. Que dire ? Quoi dire ? Je ne saurais. Je vais donc laisser nos reporters se présenter. Salut Tac ! Salut Tic ! Eh, Tic et Tac ! Tic et Tac ! Tic ! Tac. Tic-tac. Tic-tac. Tic-tac. Tic-tac. Tic-tac. Tic-tac. Tic-tac. Tic-tac. Tic-tac. Tic-tac. À la poursuite du lapin blanc. Wow. Frénétiquement. En retard. En retard. Je suis toujours en retard. Là, ici, il est l'heure du contre-temps. Contre-temps ? Le contre-temps, c'est ce qui te prend. Oh là là là là là là ! Le contre-temps, c'est lorsque la vie te surprend. Oh. Avec un contre-temps, il est l'heure d'être présent. Wow. Et là, on va partir, Tac. Oh, Tic, tu mets ton costume. Ok. Tac, je suis prête. Est-ce que tu as ton costume ? Oui, moi aussi, j'ai mon costume. Je suis prête. 5 sur 5. 5 sur 5, on démarre. On allume la machine ? On allume la machine. Waouh ! Tac. Tic. Où est-ce qu'on vient d'atterrir ? Je sais pas. C'est la Terre et ses humains. Oh oui, allô la Terre, ici la Lune, on arrive. Allons leur poser quelques questions. Oh oui. Et Tic, regarde là, ça se mange. Mais Tac. Hein ? Mais c'est plutôt délicieux ce truc-là. Mais c'est quoi ? On dirait un genre de biscuit de chocolat. On s'en fout, ça se mange. Ah oui. Ah, c'est bon. Ouais. Ah oui, c'est bon. Bon. Mais on va demander à la dame. Mmh. Ouais. Bon, allez. Je pense qu'elle sera... On en prend un petit peu. Mmh. Ça me prend... Ah, ouais. Ça. Ouais, ouais. Oh, la coquine. Mais Tic. Mais alors, mais Tac, mais nous sommes gourmands. Ah, Tic, je croyais que vous le saviez. Oh, mais oui. Ah je bon. Le découvre. Non. Mais oui. C'est une surprise. Mmh. Une surprise. Mmh. Ouais, une surprise. Ah, une surprise. Bon, on appelle la dame. Alors, voilà. Alors, on a des petites questions à vous poser déjà en premier lieu. Dans quel environnement vous évoluez ? Un très bon environnement, on va ouais. dire. Oui. Vous êtes dans un magasin bio. Bio. Voilà. Ah, oui, donc c'est déjà une bonne base. C'est ça, exactement. Voilà. Parce que là, je vous présente Tic. Enchantée. Oui. Enchantée. Et je vous présente Tac. Ah, enchantée. Tic-tac. Ok, je vais. Tic-tac. Tic-tac. Okay. Tic-tac. Voilà. Donc voilà. Et puis, bon, dans la tranche d'âge, alors 15-25. 25-40. Oui, voilà. Plutôt ça. Voilà. 25-40. Enfin, je dirais même 30-40. Oui, mais enfin. Oui, oui, oh, oui. Au final. Oh, bah, oh, bon, oh, plus ou moins 30. Bah, 25. On va pas oui, faire des oui, tranches. Non, non. Non, hein. Ah, voilà. Après, on serait comme les citrons confits. C'est ça. Tchati. C'est intéressant, on n'est pas des citrons. Bon. Bon. Alors, la première question. La première question. Si vous pouviez comparer le rythme de votre vie à un genre de musique, ce serait lequel ? Mozart. Waouh ! Subtil. Oh oui, non, mais c'est sûr. Raffiné. Alors pourquoi donc ? Oui, parce que. Parce que là, on se sent bien. Et on veut dire aussi que le rythme de la musique correspond bien aussi au rythme que nous, on a aussi au magasin, c'est-à-dire que ça respecte. Voilà, les humeurs de chacun, si on est plutôt posé, on essaie de faire les choses calmement et bien. Pas non plus trop calme, parce qu'on est un magasin, mais je veux dire, on respecte quand même voilà, le rythme de l'ambiance aussi du magasin, pour que ce soit en accord avec ce que l'on fait, et aussi au niveau des personnalités de chacun aussi. Voilà. Waouh, voilà. Je crois que je vais réécouter Mozart, Tic. Oui, ça a l'air très vivant. Et avec ma culture de patate, il faut que je vois ça de près. On va aller creuser ça de plus près. Oh, oh oui. Non, mais voilà. Ouais. Bon, deuxième question. Oui. Alors, semaine qui est passée. On aurait eu la possibilité de vous mettre une contravention parce que vous avez trop speedé. Combien est-ce que vous en aurez eu en total ? Trop speedé ? Ouais. Ouais, pas ? Trop speedé. Wow ! Ça existe ? Oh, mais c'est pas vrai ! C'est possible ! Oh, mais c'est pas possible ! On part du travail, là, on est d'accord. Oh, mais de la vie, vie. On parle du magasin ou on parle de on parle de tout. La vie. De tout, de la vie. Sur Terre. De la vie sur Terre. Bah non, ce serait horrible, non ? Ah. Ah, mais mon avis, après, la réalité est peut-être autre chose aussi. Hein. Ah. Ça, on sait pas. Ce sont des gens qui auraient 12 points à leur permis. Ah, et... C'est pas mal, ça. Ah oui, oui. C'est bon. Ah, mais c'est trop rire. Mais c'est trop bien. Okay. C'est bon signe pour l'humanité. Oui. Alors. Ah bah tu vois. Ça existe encore. On n'était pas parti aussi, hein ? Non, parce qu'on est descendu de la Lune il n'y a pas longtemps. Oui. Puis on est arrivé sur Terre. Oui. Faire un petit tour. Voilà. Ouais. Petit tour d'horizon. Enfin, on est... ouais. Et puis on s'attendait à quelque chose d'un peu plus speed. Un petit peu plus enflammé quoi. Voilà. Ah bon ? Oui. Ouais. Dans parce... un magasin bio enflammé. Non, mais depuis en haut, depuis la Lune, on ne voit pas le magasin bio, on voit la fourmilière, ça s'agite, La Terre. Ah, oui, alors ça, par contre, la Terre, ça, je ne dis pas, ouais. Je préfère pas voir ouais, ce non, on ne va pas parler de ça. Non. Troisième question. Troisième question. Troisième question. Tic. Ah. Si vous pouviez acheter des heures supplémentaires par jour, combien en acheteriez-vous ? Ça dépend des conditions, ça. Des besoins et des attentes de chacun. Mais vous ? Moi ? Aucun. Aucune. Vous avez assez d'heures comme ça ? Oui. Famille, travail. Les deux ensemble. Une vie de famille et une vie de... C'est bien équilibré, tout ça. Mais c'est précieux oui. De voir qu'il y a des humains qui sont encore dans de la cohérence. Oh. Ça, c'est le mot ultime. Oh bon, ben, on vous remercie. Merci. Infiniment. De même, je vous remercie pour ce moment agréable que j'ai passé. Merci beaucoup. Que rien ne va jamais finir, que l'horloge peut se retenir. J'aimerais tellement pouvoir écrire que rien n'arrêtera les rires, que notre vie est une source qui ne saurait se tarir. Mais rien ne sert de mentir, j'aimerais au moins vous prévenir que c'est en les vivant qu'on construit les souvenirs. Qu'à trop vouloir courir, c'est nos vies que l'on finit par fuir. Laissez-nous prendre le temps, laissez-vous prendre le temps, laissons-nous prendre le temps, juste quelques instants. Laissez-nous prendre le temps, laissez-vous prendre le temps, juste écoutez le vent. Sa vie à la gagner et voir défiler les années. Y sommes-nous vraiment condamnés? Il n'y a-t-il pas d'autre voie que nous pourrions paver? N'y a-t-il pas d'autre choix, d'autres priorités? Chercher le plus, pas le meilleur, ressemble-t-on à une erreur? Nous poursuivons à l'heure. Est-ce l'abondance de biens qui offre le bonheur? Laissez-nous prendre le temps, laissez-vous prendre le temps, laissons-nous prendre le temps, juste quelques instants. Laissez-nous prendre le temps, laissez-vous prendre le temps, peur qu'à la ligne d'arrivée de cette course courue tête baissée, il n'y ait comme médaille que le goût des regrets. Je ne connais qu'une urgence, gagner la quête du sens. Il y a tant à vivre sans attendre demain, là, à portée de nos mains. Laissez-nous prendre le temps, laissez-vous prendre le temps, laissons-nous prendre le temps, juste quelques instants. Laissez-nous prendre le temps, laissez-vous prendre le temps, juste écoutez le vent. Oui, Dick est resté dans le vaisseau parce qu'il a le mal de terre. Il a le bide tout retourné. Alors je vais aller voir les deux petites jeunes filles toutes seules. Oh bah Dick, c'est voir Dick. Dick, elle est pas là, non. Il y a Tac, je suis là, je suis okay, là. Ok, c'est voilà. Le principal. Oui, c'est bon. Ouais. Mais il n'y a pas de Tic sans Tac et il n'y a pas de Tac sans Tic. Ah c'est ça, oui. Ah, oh là là, oh, oh. On est mal barré là. Bon, enfin bref, on est venu de la Lune ce matin, on est arrivé sur la Terre parce qu'on voyait beaucoup, beaucoup de mouvements sur la Terre. Alors on a voulu aller explorer. Ok. Puis interroger les terriens pour savoir. Bah, nous, on est des terriens, donc allez-y. Ouh, top délire. Alors déjà, vous êtes dans quelle tranche d'âge? 15-25? Bah, devinez, tiens. Moi, je pense. 15-25? Ouais. C'est une grosse pochette, quand même assez large. Un peu plus précis. Oh ben non, okay. Nous on fait pas dans la précision, nous. Ouais, bon bah on a 20 ans, on a 20 ans. Ouais, ben bah, voilà, ouais. Ouais, voilà, voilà. Et puis dans quel secteur vous évoluez, je sais pas, étudiant et professionnel. Étudiant. Voilà, étudiant. Voilà. En compta, moi. Oui, bon bah, voilà, étudiant, bah, c'est bien. Ouais, tic et tac comptent très bien. Oh. Tic-tac, tic-tac, ah bah, tic-tac. Oui, normal. Voilà. Donc voilà, alors on a trois petites questions à vous poser. Alors la première question, c'est si on Si vous pouviez comparer votre rythme de vie à un genre de musique, quel genre choisiriez-vous? Rythme de vie par rapport à un genre de musique? C'est compliqué quand même. Question. On peut choisir deux styles de musique? Oui, oui. Moi, je dirais musique un peu de lover, un peu de... Wow. J'écoute beaucoup ça et j'aime bien l'amour, donc... Oh, c'est beau, c'est voilà. Mignon. Oh, à toi. Moi, je dirais soit le jazz ou l'électro. Parce que des fois, je suis calme et des fois, soirée, quoi. Ah ouais, des fois, soirée. Ah bah ouais, oui, ah, voilà. Bah, bah, ah oui. Bah, on peut pas faire autrement, quand même, bah, non oui. Faut pas déconner. Bah, bah, hein. Puis on a l'âge, hein, autant profiter, ah, oui. Quand même. Oh, puis on va pas se mentir, hein, même quand on n'a pas l'âge. Hein. Vous avez raison. Tout âge, c'est bon. Il n'y a pas d'âge, oui. Une deuxième petite question. Alors, s'il existait des contraventions quand on speed trop, hein, combien auriez-vous eu de contraventions la semaine qui vient de se passer? Ah bah zéro, ouf. La semaine qui vient de se passer. La semaine-là, si on roulait ouais. Trop vite, combien on en aurait eu de contraventions? Ouais. Non, si dans notre vie, votre rythme, trop speed dans votre rythme de vie. Si ça donnait lieu à des contraventions. Ah, je pense deux. Ah, quand même, hein. Ah, correct, hein, tu dis bien. Vous êtes sûre? Pas du tout. Ah ouais, non, c'est la première fois que je sors de la semaine. J'ai passé ma semaine en cours, du coup, vraiment, pas speed du tout. pas speed du tout, hein. Moi, c'est la c'est la troisième fois en une semaine. Alors, si j'arrête pas, là, donc speed. Oh, mon Dieu, ça craint, là, ça craint, ça. C'est la langue des terriens, ça Oui. For example. Zum Beispiel. Ok. Par exemple. On va faire de l'allemand. Pour dire. Voilà. Troisième question. Allez-y. Si vous pouviez acheter des heures supplémentaires par jour, ouais. Combien en achèteriez-vous? Zéro. 1000 le week-end. Ah, des heures. Ah, oh, attends, j'ai pas compris la question. Ok, j'ai compris. Ah ouais, un maximum. Hein. Un maximum. le week-end un maximum. Ouais. Parce qu'on aime bien profiter, nous, et on n'a pas assez d'heures de sommeil, donc quand même qu'on ait un peu plus d'heures pour dormir. Ouais, donc le week-end, vous, seulement? Moi, juste le week-end. Oh, moi, la semaine aussi. Ah, la semaine aussi? Oh, oui. Combien, alors, la semaine? Je dirais une ou deux heures de plus par jour. Oh, c'est pas beaucoup, ça. Par jour? Ouais, c'est pas beaucoup. Ah, oh, bah, quand même, par semaine, ça... Ouais, mais là, on comptait par jour, hein. Par jour? Bah, ouais. Je dirais quand même 2 heures, ça serait bien. Quand elle dit 1000 heures par jour, là... Non, pas non, week-end, par dans week-end. Le week-end. Dans le week-end, on peut exagérer. Ouais, un peu too much, là. Moi, je dirais 20 heures de plus pour le week-end. Bon, d'accord, on est temps de passer un jour chill. Voilà. Un jour chill, ah. Voilà. Bah écoutez, moi je vous remercie infiniment et je vous souhaite une bonne fin de journée. Vous aussi. Merci beaucoup. Puisqu'elle nous réclame, allons voir ce que demande la foule. Veut-elle qu'on lui rachète son âme, ou veut-elle qu'on la défoule? Allons voir, puisqu'on nous appelle, puisqu'on nous montre du doigt. Allons voir qui tire les ficelles. Est-ce bien ce que l'on croit? Est-ce les haillons ou la dentelle? Est-ce le roi de je ne sais quoi? Est-ce le ventre ou la cervelle? Est-ce la population d'en bas? Allons voir puisqu'on nous rappelle. Allons voir puisqu'on y croit. L'enfer qui brûle le ciel, c'est arrivé quelquefois. La route, sans revenir sur nos pas, pendant que le dos se voûte, dans le torse, le cœur se bat, et déjà ça fait scandale, et encore ça fait longtemps que l'on incarne le mal, ou le remède, ça dépend. Nous les anges qu'on envoie au diable, nous les démons qu'on attend, nous sommes indispensables, comme le doute au jugement. Puisqu'on nous appelle, puisqu'on nous montre du doigt, allons voir qui tire les ficelles. Est-ce bien ce que l'on croit? Et c'est quoi ce truc? Des petites cages dans lesquelles ils se promènent? Ah, les grosses boîtes en ferraille là? Ouais, un machin qui fait. Ouais. Avec des roues. Ah, je sais pas. Moi non plus. Oh, t'as vu le monsieur là-bas? Il a un espèce de pistolet qu'il met dans la cage. Il est trop bizarre, ça. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est? Bah, je sais Ça fait du bruit, ça. Ça pue. Ah, ça pue, c'est bien ce qui me semble. Ah, c'est bien ce qui me semble. Ah, ouais, ça sent bien. Bon, on va quand même lui poser nos petites questions. Ah, ouais, vas-y. Bon, d'abord, on va juste vous demander dans quel environnement vous évoluez. C'est juste une idée pour avoir un peu. C'est anonyme, hein, totalement. Ça veut dire dans quel environnement ? Bah, je sais pas si vous êtes dans un métier particulier ou dans. Voilà. Je travaille dans la location de véhicules. Voilà, bah par exemple. Ok, voilà. Très bien. Ah, c'est drôle. Non, parce qu'en fait... La thématique, justement. Nous, voilà, je vous présente Tic et... Et je vous présente Tac. Voilà. Tic et Tac. Tic et Tac, voilà. Et donc, après, bon, la tranche d'âge, alors il y a 15-25, 25-40... Je suis plus dans les 25-40. Ah, 25, ben voilà, ben voilà. Voilà. Très c'est très bien. Ça nous va très bien. Voilà. C'est super. Ouais. On y va ? On y va. On y va. Première question. Si on pouvait comparer votre rythme de vie avec un genre de musique, quel genre de musique vous choisiriez ? Votre rythme de vie ? Je serais plus une musique des îles, un peu rythmée, assez, assez ambiancée. Assez d'accord. Ensoleillée. C'est ça, exactement, assez ensoleillée. Oui. Très bien. Très très bien. C'est qu'il y a de la joie dans votre vie actuellement, dans votre rythme de vie. Exactement, c'est joyeux. De la joie, du bonheur, tous les ça jours. Danse et tout. Tout le temps. Merveilleux. Merveilleux. Ça c'est cool. Mais ça c'est essentiel. Bah voilà. C'est très important. Ah, oui. On attaque la. On peut passer à la question suivante. Question suivante. Alors. Allons-y. Question suivante. S'il y avait des contraventions quand on speed trop, vous en auriez eu combien cette semaine ? Quand on speed trop ? Ouais. S'il y avait des contraventions ? Je speed pas, je fais à mon rythme. Oh, mais... Là, on a un bel exemple. Oh, mais... C'est un bel exemple de société, ça. Mais monsieur. Magnifique. Mais oui. Ah. Mais oui, ça existe. Oh, mais Tic. Mais c'est incroyable. Mais Tac, tu te rends compte ? Oh, mais je... Là, on tombe sur un spécimen rare. Oh, vous ouais. êtes rare, monsieur. Ah, exactement, nous sommes 10 en France. Incroyable. Il vient de nous donner une information secrète qu'on pourra remporter sur la Lune. Exactement. Après avoir vu ces terriens. Oui. Ouais, ouf. Dernière question. Dernière, après c'est fini. Si vous pouviez acheter des heures supplémentaires dans une journée, combien en achèteriez-vous pour un jour ? Tellement. Ah. Oh. Tellement, parce qu'on manque de temps. Pourquoi ? Pourquoi faire ? Pourquoi faire ? Pourquoi faire ? Pour profiter plus. Ah. Ah. Ah oui, je vois. Profiter de, ah. de nos proches. Uh-huh. Ah. Oui. Ah. De nous-mêmes. Oh. De prendre du temps pour nous-mêmes. Ah. Pour se retrouver. Monsieur aime la vie, apparemment. J'adore la vie. Vous êtes plutôt content d'être sur Terre en ce moment ? Oui, je suis très content. Pas qu'en ce moment, depuis toujours. Waouh ! Mais quelle belle ! Mais c'est une sagesse. Interview, on vient de faire, là. Ah oui ! Hein ? La santé, surtout, c'est très important. Oui. Il faut se reconcentrer sur ce qu'il y a d'essentiel. Ah, ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Alors, vous nous voyez, mais... Ravi. Oui. Qu'en pense Tic et Tac ? Mais moi, je trouve que c'est un exemple. Je vais aller prêcher la bonne parole de prendre le temps, de nourrir la joie et de prendre son temps. De se respecter, apparemment. C'est ça que vous réussissez à faire. C'est exactement ça. Ah là là. Et Tac, il va vous dire que paf, Tac, dans tous ceux qui sont tristounés dans leur vie, qui rongent, qui grognent, tout ça, et ben Tac, ils vont le prendre en plein dans les dents. Tic, ouais. Tac. Tic-tac, exactement. On n'a pas le temps pour aller s'endormir, avoir une boule au ventre parce qu'on est aigri. Parce qu'on a de la colère, il faut laisser ça derrière soi et prendre le temps. Parce que le temps, tic, tac, tac, tac, tic, tic, tac. Une fois qu'il est passé, on ne peut plus le rattraper. Ah. Merci infiniment. Par goût du sac. sacrifice. Préfère de loin les bombes aux feux d'artifice. C'est pathétique de voir comment un cerveau peut tomber dans le panneau. Penser changer le monde en se faisant sauter la tête. Faire payer la dette à des innocents qu'on exècre les mains remplies du sang des morts. Prématurément c'est indécent pour qui croit au jugement. Dieu tout puissant, les larmes coulent abondamment. Les rêves s'écoulent pour des milliers de parents. Aucune consolation possible. Change la donne, vite, il faut changer la donne. Changer la donne. Change la donne, vite, il faut changer la donne. Changer la donne. À ceux par obscurantisme qui trouvent refuge dans le prosélytisme. C'est dramatique de voir la soif de pouvoir rend les hommes bien plus enragés. Se battre pour une idéologie qui n'a pas sa place. Encourager les jeunes pour mieux se rendre plus efficace. Certains sont prêts à tout pour asservir la populace. Et même parfois veulent prendre la place. Je tout puissant les larmes coulent à mon amant. Les rêves s'écoulent pour des milliers. Change la donne, change la donne. Change la donne, vite, il faut changer la donne, changer la donne. Il se passe plein de trucs. Hein. Donc voilà. Ouais. Voilà. Donc on vient voir ce qui se passe chez les terriens. Donc on va vous poser quelques petites questions. D'abord, première question, monsieur Zumbaspiel. Par exemple. Par exemple. Ok, dans quel secteur vous êtes, par exemple, retraité Retraité. Bon, ben bah, voilà. Retraité. Bon, bah, c'est bien. Actuellement. Donc oui, voilà. Donc on ne va pas vous demander si vous êtes dans l'âge 15-25 ans. On va directement 60 et plus. Voilà, 60 et plus, ça serait... Voilà, on aura gagné du temps. Voilà, on aura gagné du temps dans le... Bonjour. Dans l'interview. Bien. Donc, on va poser, Tic, la première question. Première question que j'ai oublié. Oh, mais Tic, oublie-toi en ce moment. Ça a été merveilleux, mes réponses ont été très rapides. Si vous pouviez comparer le rythme de votre vie à un genre de musique, vous choisiriez quel genre de musique? J'aime bien le rock, mais je ne sais pas si je suis tellement... ma vie est tellement rock, mais bon, je sais pas, le blues. Oh, ah, joli ça. Le blues. Ah oui, ah, j'aime bien, oui. Ouais. Ah oui, le soul, le blues, ouais. Oh, c'est cool ça. C'est agréable. Ah oui. C'est plus rond. Oui. On prend le temps. On prend le temps et puis de temps en temps. Ouais. Ah ouais, de temps en temps un peu. Il y a des petits ouais. Ah oui. Surtout après 60, c'est quand même ouais, de temps en temps. Ouais, on est bien d'accord là. Wow. Ah, moi je peux pas témoigner. Non, moi je suis d'accord. D'accord. Oh, bah, 100%. Mais enfin quand même, la deuxième question. La deuxième question, c'est de savoir si il existait des contraventions quand on speed trop. Combien en auriez-vous eu la semaine dernière? Durant la dernière semaine. Quand on speed de trop, oui. Combien de contraventions j'aurais eu Oui, en une semaine. En une semaine? En voiture, hein, c'est ça? Non, dans votre vie. Dans la vie, oui, en général. Oui, oui. Qu'est-ce que j'ai fait la semaine dernière? Vous savez, je suis retraité, je ne sais plus ce que j'ai fait la semaine dernière. Déjà, mon téléphone, vous voyez. Ouais. Ça, c'est horrible. Oui. Je mettrai déjà une contravention sur mon téléphone, certainement. Ah, on ne nous l'a jamais fait, celle-là. Ouais. On a un inventeur. Oui. Parce que un justement, inventif. Il vient de sonner, c'est pour ça que j'y pense. C'est vrai ouais. Que... Trop bien, quoi. Ouais. Imaginatif, le garçon. Ouais. Ça, moi, je prends des notes. Ah ouais. Prenez des notes. Ah ouais. Vous voyez. Ah oui. Ah oui, non, voilà. Ça n'arrête pas. Oui, donc là, une contravention sur le téléphone. Ah bien. Et donc, si vous aviez le choix de rajouter des heures supplémentaires, d'acheter des heures supplémentaires, combien en achèteriez-vous par jour?

Donc, voilà, nous sommes Tic. Et Tac. Voilà, dans cette émission Contre-temps. Où nous sommes à l'exploration. Voilà. Du rythme de vie de ces fameuses créatures si attendrissantes que sont les terriens. Car nous venons de la Lune. Et oui. J'ai entendu parler de ça cet après-midi. Vous avez entendu une détonation à un moment donné dans le ciel. Non, c'était un bruit qui courait. Oh, intéressant. On est déjà repéré. Mince. Oui. Mince alors. Bon. On y va. On y va. Dans quel domaine êtes-vous ? La parole. La parole. Oh. Ah, les terriens sont extraordinaires quand même. Blablabla. Intéressant. Blablabla. Non, là, j'ai dit la parole, j'ai pas dit blabla. Oh, dis donc. Dis donc. Elle a du répondant, cette petite dame. Ah bah oui, puis toi alors. Bon, ah. Très bien. D'accord. Dans quelle tranche d'âge alors vous pourriez vous situer ? Entre 15 et 25, entre 25 et 40, entre 40 et 60, entre 60 et plus. Entre deux tranches. Ah, l'entre-deux portes. C'est un millefeuille, la petite dame. Ah oui, c'est une originale. Une originale. Ah tiens, ça me fait plaisir. Ah. Est-ce qu'on... Donc là, on en est arrivé, zum Beispiel. For example. Per exemplio. À la première question. Juste préliminaire, ça. Oui. Ah oui. Oui. Vous préparez un peu la bestiole. Voilà. Voilà. Donc, la première question... Tic, c'est toi ou c'est moi ? Allez, j'y vais. Oh bah vas-y. Si vous deviez choisir un genre musical qui pourrait représenter votre rythme de vie, lequel choisiriez-vous ? Mais ça dépend des heures du jour. Alors, là est toute la complexité de la question. Donc, y aurait tout un... Je cherche le mot. Un éventail. Un éventail, merci. De musique différente. Ça pourrait être très rock'n'roll, mais aussi classique, parfois pop. Rien n'est interdit. Oh, dis donc. C'est une radio à part entière, cette petite dame. Mais c'est génial. C'est la première qu'on rencontre comme ça. C'est fou. C'est un spécimen rare, ma petite dame. Ah bah désolé. Ah non, c'est dans une case. Oui. Soyez sérieux. Oh, tac. Donc, je vais poser la deuxième... Question. Question, voilà. La deuxième question étant... Si il existait des contraventions quand on se pique trop, combien en auriez-vous eu cette semaine ? Faut que je l'avoue. Ah bah déjà à vous-même. Cette semaine, je pense que j'en aurais déjà eu 3-4. 3-4. Ça rajoute sur le compteur, là. Ouais, ouais, ça pèse. Le permis de vivre va être à moins de 12 points, là. Et ça se répète d'une semaine à l'autre, ou là, c'était un peu exceptionnel ? C'est un peu chronique. Ouh. Une Speedy Gonzales aiguë. Beau. Ah, de temps en temps. Serait-ce une nouvelle maladie des terriens ? Peut-être. On va savoir. Est-ce que je me lance ? Troisième question. Oh bah, allez, Tic, vas-y. Si vous aviez la possibilité d'acheter des heures supplémentaires dans votre journée, déjà, est-ce que vous le feriez ? Et si c'est le cas, combien d'heures vous prendriez ? Non. Ah. Zéro. Ah. Non, parce que ce serait prendre des heures de plus pour en faire encore plus. Oh, mais elle est sage, cette petite dame-là. Mais c'est bien comme ça. Oh. Un terrien qui sait se contenter de ce qui est. Oh. Déjà. Oh là là. Ça, c'est beau, ça. Super fan, on lui donne une étiquette. Super fan. Ah, mais vous êtes la plus incroyable. Ah oui. Ah oui. Fortiche. Oh. Ah bah. N'en faites pas trop. C'est sincère. Ah. Nous. Tic. Ah. Mais alors. C'est pas notre style, hein. Ah non. Ah non. Au fait, je vous ai pas dit mon nom. Non, mais on veut pas savoir. C'est anonyme. Toc.

Oh, Tic, qu'est-ce qui t'arrive? C'est pas drôle chez les terriens. Bah, tac, je découvre des trucs des fois bizarres chez les terriens. Ils sont pas drôles, hein. Des fois, c'est pas très marrant. Bon, non, alors. Ils vivent bizarre. Oui, c'est bizarre. Des fois, c'est un peu rude. C'est rude, tu dis? Ouais. C'est râpeux. Ça râpe, ça crie, ça... Mais ils sont pas à l'écoute, hein. Il y en a, on dirait, ils ont pas d'oreilles. Ouf. Ça fait tout drôle. Oh. Ouais. Bon, alors, écoute. Bon, on pense à la lune. Oui. Elle est tellement jolie. Oui, la tellement lune. Toute douce. Notre très chère lune. Ouais. Bon, bah écoute, je te propose de t'emmener au marché avec des cultivateurs et des agriculteurs bio qui respectent la nature et qui sont tout mignons. Oh, mais ça, ça a l'air très réjouissant. Ça te redonnerait le sourire, Tic. Oui. Oh. Ah oui, oui. Ah bon? Ah ouais. Oui, je suis contente. Oh. Bon, bah, on y va. Oui. Bon, bon, bon, bon, bon. You. Bonjour. Youpi. Oui. Voilà, encore un terrien, Tic. Alors, ma petite dame, on a une question, une première question à vous poser. Si vous pouviez comparer votre... Toc, dis-lui, ça va pas, ça. Ça va pas, Tic. Quoi? Tu t'en mêlais les pinceaux. Oh. Oh, comment? Mais non, recommence pas. Vous allez poser la question de où c'est que vous vivez. Dans quel domaine vous êtes professionnelle? Je vis à Moyen-Pâle, je suis agricultrice. Oh. Ça me plaît, ça. Ah oui. Ah oui. Ah, puis nous qui sommes sur la Lune, on aime bien. Agricultrice, oui. Et je fais des fromages. Oh là là, là, là, là. On aime bien les fromages. Ah, puis on aime bien les fromages. Ah oui, oh, ouais, on aime bien. Ah, oh, oui. Oh, oh, bon, bon. J'ai découvert ce truc spécial terrien là. Magnifique. Bon. Alors après la tranche d'âge, alors il y a 15-25, 25-40, 40-60. 40-60. On fait des grosses tranches. 40-60, ouais. On veut pas savoir. C'est plus. Ça, c'est pas la peine. Donc Tic, tu peux poser ta question. Alors, donc... Si vous pouviez comparer votre rythme de vie avec un genre musical, lequel serait-il? Oh. Je suis pas très douée en genre musical. Bah man, il y a tango, valse, classique, rock'n'roll, soul, jazz, hard rock. Punk. Punk. Peut-être bien punk, ouais. T'es bien punk. Elle a pas l'air. Bah dis donc. Oh dis donc. Mais tiens. Oh bah. La petite dame, elle a, bah. Elle a du feu, hein. Ah, vous dites. Oui, oui. Ça crache. Elle aimerait bien ralentir un peu d'ici la retraite. Ah. Pour vivre, justement. Ah. Ah. Oh. Ça, c'est un beau projet, hein. Andy. Ah oui. Oh. Oh. Bah. Mais alors. Deuxième. Question. Question. Oui. Donc, je vais y aller. Vas-y. Bon. S'il existait des contraventions quand on speed trop, combien en auriez-vous eu la dernière semaine qui vient de se passer depuis vendredi dernier? Peut-être au moins 4 ou 5. Purée! Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe! Ça fait beaucoup de... Oh, mais dis donc, c'est terrible. Ah, c'est ceux qu'on voit courir comme des petites fourmis depuis la lune. Ah, c'est vous qui vous agitez dans tous les sens, là. Ouais. Les électros. Oh là là. Oh, ouais. Mais comment ils font pour tenir debout, ceux-là? Je sais pas. Des fois, il faut des tuteurs. Oh là là. Mais quand même, là, j'ai là. Fait une petite séance chez ma naturopathe cette semaine. Ça m'a fait du bien. Ah. Ils s'entraident entre eux. Ah, pour continuer à galoper. Ah. Encore. Ah. Je crois que c'est ça. Ah, c'est ça? Non, parce que juste après, j'ai bien ralenti. Je suis allée dans mon canapé. Oh. Ça, c'est bien. C'est drôlement bien. Ah, il devait être content, le canapé. Ah, voilà. Oh, bah, le canapé, il devait dire, oh, dis donc, il y a longtemps que je n'ai pas vu. Ah, ouais. Ah, ouais. Oh, bah, voilà, voilà qu'elle est là. Voilà quelqu'un, il s'est dit. Il était vide depuis longtemps, hein. Ouais. Mais alors du coup, si vous pouviez acheter des heures supplémentaires, combien vous en achèteriez par jour? Non, j'aimerais pas en acheter en fait. Ah. Oh, bah ça nous rassure. C'est hein. Bien. Je préfère réduire. Ah bon? Oh. Il y a Toc qui soupire là. Bah réduire, mais réduire et après vous en feriez quoi de vos heures réduites? Je me reposerai. Je profiterai de ma famille. Ah. Je profiterai de la nature un peu plus, même si j'en profite puisque je travaille dedans, mais... Mais la voix style éclair, tu vois, dans voilà. La musique punk, c'est... C'est vrai. J'aimerais bien m'arrêter pour la regarder, en fait, c'est ça. Contempler un peu plus. C'est ça, voilà. C'est un beau projet. Hein? Ah, bon. Moi, ça me donne envie de le faire. Pardon, ça donne envie de regarder la nature. Oh, bah tiens, oui. Même aujourd'hui, elle a tellement de choses à nous apprendre. Oui, même aujourd'hui qui pleut comme vache qui. Ah ouais, elle est belle quand même. Bon, oui. Elle est encore plus belle. Bon. Merci. Infiniment. Eh ben merci, Tic Tac et Toc. Personne très intéressant. Ah non mais. Agréable non. À rencontrer. Ah oui oui. Ah non mais des terriens comme ça, mais on en veut plein. Ouais ouais ouais. Ah ouais plein. Ah ouais. Grave. Ode à l'état. Un jour, ils ont condamné Socrate, ces pseudo-juges athéniens, parce qu'il les a surpris en train de faire semblant de savoir, mais ils savaient rien. Ode à l'état. Ode au plus grand voleur de tous les temps, de toute mémoire, auteur qui œuvre au plus grand mensonge de l'histoire, de nous faire croire qu'il représente le peuple mais qui se taise, puisqu'il représente la tristesse, comme un bouquet sur un platane, et plus il gagne comme Zlatan, leur âme s'appauvrit de richesse. Je vous concède la vérité du procédé, plus on possède, plus on est possédé, et les politiques détruisent tout ce qui pourrait céder. L'État est utile comme un trou dans la tête, il nous suicide depuis la tour de Babel, elle dit briller comme une émeraude juste pour guider les âmes en haut. Elle essaie de faire oublier qu'elle n'est que le trône du roi Nemrod. On lance que des avions en papier contre leur tour de Babel. L'État s'appelle Cain, me dit que je suis son frère Abel. Cache un couteau dans son dos et me sourit d'un air cruel. Tant de scandales politico-financiers marquent mon siècle. Là où finit l'État, commence l'arc-en-ciel. C'est mon dégoût des demi-dieux qui fait que je les défie comme Ulysse, car les égouts de la politique évitent les filtres de la justice. Et nique sa mère, le maire, le sénateur, vos cours magistraux de langage qui n'ont jamais ému de cœur, même en tripotant des filles cupides que le pouvoir rend délirique, ventripotant moche et stupide. Bref, des politiciens classiques. La politique, c'est l'avènement des démagos. Ils sont venus dans l'hémicycle juste pour partager le magot, leur démocratie. C'est une censure intellectuelle, une manipulation des masses pour leur carrière personnelle. La politique, c'est l'avènement des démagos. Ils sont venus dans l'hémicycle juste pour partager le magot, leur démocratie. C'est une censure intellectuelle, une manipulation des masses pour leur carrière personnelle. Tu trouves que c'est un cartoon, que mes critiques sont des rancœurs? Peut-être bien car c'est un clown qui a dû créer les restos du cœur. Dis-moi quelle chaleur d'âme t'espères de son manteau de glace. Alors écrasons l'infâme, c'est la tirade de Ruy Blas. Si t'es honnête, t'es une marionnette au bout de leur ficelle. Alors coupons les tentacules de cette putain de mafia officielle. Et ensuite les testicules des dynasties politiciennes. Te rappelles comment tu me parlais mal, Paris brûle-t-il bientôt? Et on commencera par les nains. Je suis là pour dégrader l'État, qu'on voit sa garde prétorienne. Ils présentent leur première dame avec la grâce qu'on prête torrent. Si on est masqué dans les manifs, c'est à cause des gaz lacrymogènes. Un mythe gros, les politicos sont des mythos. Guillotinez-les tous, place publique. Là où même Dany le Rouge est devenu con bendit. Il est plus dangereux d'être lanceur d'alerte anticapitaliste qu'un prêtre pédophile, terroriste islamiste ou qu'un fraudeur ministre. Les injustices d'aujourd'hui feront les Mandela de demain, les Martin Luther King pour faire la violence en paix. Demandez-moi le chemin. La politique, c'est l'avènement des démagos. Ils sont venus dans l'hémicycle juste pour partager le magot, leur démocratie. C'est une censure intellectuelle, une manipulation des masses pour leur carrière personnelle. La politique, c'est l'avènement des démagos. Ils sont venus dans l'hémicycle juste pour partager le magot, leur démocratie. C'est une censure intellectuelle, une manipulation des masses pour leur carrière personnelle. Quand même. Oh. Une cliente qui attend là-bas. Oh, alors, oui. Bon, ben, toc, on se dépêche. Il y a le monsieur, il a dit qu'il fallait qu'on se dépêche. Okay. Bon, en fait, on vient de la Lune et en fait, on vient d'atterrir ce matin, on vient voir les terriens pour leur poser des questions. Donc, voilà, alors la première question, c'est. Vous avez ramené le soleil? Pourquoi vous avez ramené le soleil? Eh ben, parce qu'on l'a planqué. Et on l'a gardé pour nous. On l'a caché, quand même. Bon, il faut arroser la nature un peu. Ouais, non, faut pas toujours vous plaindre. Bon, alors, oui, alors, La première question. Si on pouvait, si vous pouviez comparer votre rythme vie avec un style de musique, ce serait lequel? Rock'n'roll. Rock'n'roll. Il dépote le garçon. Alors il dépote, il dépote. Avec de la guitare électrique, tout ça. Tout. Okay. Tout. Tout. Bon, toc. Je vais donc vous poser la deuxième question. Vas-y. Bon, donc, la deuxième question c'est... Aimez-vous les pâtes? Si il y avait des contraventions quand on speed trop, combien en auriez-vous eu depuis vendredi dernier? Ah ben, je conduirais plus, je suis en prison. Ah, dis donc, encore un terrien de malade. Encore un terrien de malade, Toc. Oh là là, en prison, carrément, quoi. Carrément. Carrément, voilà. Ouf. Oh, c'est ouf. Hein? Ah, c'est... Oh, petit, il nous fout les boules, le mec. Hein. Bon, allez, on se dépêche. On se dépêche. Troisième question. Si vous pouviez acheter des heures supplémentaires chaque jour, combien en achèteriez-vous? 35. Oh putain! 35 oh pardon, heures. On ne doit pas dire de mots comme non. ça. Oh, ah, ben non. Non. Ah ben non, pas à la radio. Ah non, ah ben non. Ah non. Non mais bon, oh, quand même. On vient de la Lune. Ouais, c'est vrai, on vient de la Lune, on a le droit. On a le droit. On a le droit. Bon ben voilà. Donc c'est tout ce que vous aviez à nous dire, mon petit monsieur. On a oublié de vous demander sa profession. Ah oui, on a oublié de demander votre profession. Agriculteur, Tocmotte. Tocmotte. Et puis, la tranche d'âge, vous avez le choix entre 15 et 25, 25 et 40 et 40 et 60 ou 60 et plus. Allez, 30 et 40, je pense que c'est 15-30. Ouais, c'est ça, oui, sûrement. 25. Oh, ah bah alors, on a un petit jeune homme parmi nous. Un jeune homme qui vient de naître. Oh bah. Donc, du lait derrière les oreilles. Oh, du deux, il a encore du lait derrière les oreilles. Bon, bah, on vous laisse travailler, hein, mon oui. petit monsieur. Bonne journée. Merci infiniment. Merci beaucoup. Allez, Claude. Tu veux un morceau de gâteau, Tic? Ah, ouais. Bah, c'est un truc. C'est quoi? C'est délire. Non, mais c'est incroyable. C'est tellement, moi, je dis les terriens. Ils ont tout compris, ces terriens. Ouais. Bon, ben alors, on va les retrouver la semaine prochaine. Ouais. Hein? On leur dit au revoir. Au revoir. Au revoir. Souhaitez-nous bonne chance. Ouais, parce que c'est pas facile pour des gens qui habitent la Lune. On s'appelle comment, nous, les lunes, les lunatiques. Ah, on est des lunatiques. Aha. Ou lunaires. Lunaire. Ou Lulu. Lulu. Oh, comme les biscuits. Bah. T'as goûté ça? Non. T'as vu ça dans les magasins? Il y avait des Lulu. Ouais, des Lulu. Bon. On les retrouve la semaine prochaine. Ah oui. Pour les raconter l'histoire de nos aventures. Ah, les futures aventures. À tout bientôt, les amis. À tout bientôt. Merci à Auriel, notre pianiste belge, pour son jingle. Thank you.